Je compte les étoiles qui filent dans le ciel. Je compte les étoiles qui filent dans le ciel. Je compte les étoiles qui tracent dans le ciel. Je compte les étoiles qui font une trace dans le ciel. Je ne vais pas laisser ma trace dans le ciel. Je ne suis qu'un bloc de glace dans le ciel. Je ne suis pas de ce qu'on efface dans le ciel. Je ne serai pas juste une trace. Non. Je compte les étoiles qui passent dans le ciel. Je compte les étoiles qui passent dans le ciel. Je compte les étoiles qui tracent dans le ciel. Je compte les étoiles qui font une place. Traces qu'on efface. J'espère, je place ma place. Les temps sont durs, les gens sont mûrs. Hélas, ils veulent je me laisse la délicatesse de compter leur faiblesse. Là où le bon est, je